Bosco, d'où Iman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les commerçants ambulants qui exerçaient autour de l'ex-marché central de Bujumbura récemment chassés vont bientôt avoir des échoppes au marché de Javé et qu'ils paieront suivant leurs moyens. Vous entendrez les précisions du conseiller du maire en charge de la sécurité. Et le cabinet du gouverneur de Bururi donne l'alerte sur la recrudescence du vol dans les ménages chef-lieu de cette province. Notre correspondant nous le dira en détail. Dans ce journal, on reparle encore du délaissement parental en province Chibitoke. Là-bas, 5 enfants vivent seuls, 3 d'entre eux avec un handicap. Et ils ont été abandonnés pour cela, témoigne leur entourage. Un reportage d'Ornella Mucho. Elle les a rencontrés pour nous. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les commerçants ambulants exerçant autour de l'ex-marché central de Bujumbura récemment chassés par décision de la mairie pour des raisons de sécurité et hygiène seront admis au marché de Jabé. Le conseiller du maire en charge des questions de sécurité précise que la fixation des loyers des échoppes tiendra compte du niveau de leurs capitaux. Le colonel de police Jimmy Naishimiye ajoute que les personnes qui avaient été arrêtées par la police dans le cadre de la mise en application de cette mesure ont été libérées et leur demande de toujours obéir aux ordres. Il répond aux questions de Placide Niyomongere. Le motif lié à la sécurité et à l'hygiène, que la mairie de Bujumbura a pris la décision de suspendre les activités commerciales qui se font autour de la place qui abritait le marché central de Bujumbura. La décision concerne ce qu'il faut le commerce ambulant. Vous motivez cette décision par des questions d'hygiène, alors qu'il y a des décombres de l'ancien marché de Bujumbura. Est-ce qu'il y a un plan de dégagement de ces immondices? Le plan existe car les instances supérieures sont en train de planifier comment réhabiliter l'ancien marché central de Bujumbura. Est-ce qu'il y aurait une place qui est réservée à ces commerçants qui exerçaient leurs activités tout autour du marché pour qu'ils ne soient pas victimes de cette décision, je dirais? Oui, la mairie de Bujumbura a pensé à ceux qui pratiquent ce commerce. On est en train de s'organiser pour préparer une place au marché de Javé où on va caser ces femmes qui pratiquaient le commerce ambulant dans les rues du centre-ville de Bujumbura. Vu le prix fixé pour louer des échoppes au marché et vu le capital de ces commerçants et commerçantes, est-ce que ça ne serait pas difficile d'y mener une activité commerciale? On a déjà songé à préparer des places taillées à leur niveau pour que ces femmes continuent à effectuer les activités commerciales. On apprend qu'après la décision, il y aurait des personnes arrêtées par la police. Quel est le sort réservé à ces personnes? Bien sûr, il y a des caristrans qui n'ont pas obéi à la décision de l'autorité municipale. Le maire de la ville de Bujumbura a effectué une descente à l'endroit où se trouvaient ces femmes arrêtées. Il a donné un message. Ces dernières ont été libérées. Le colonel de police Jimmy Ndayishimiye, il est conseiller du maire en charge des questions de sécurité. Recrudescence des cas de vol dans les ménages au chef-lieu de la province Bururi. En moins de 2 semaines, différents objets, dont des coussins, des téléphones portables et du matériel de cuisine, ont été déjà volés dans 5 ménages par des bandits qui seraient à la recherche des moyens pour célébrer les fêtes de fin d'année. Cela a été révélé ce jeudi à Bururi au cours d'une réunion de sécurité organisée par le cabinet dans cette province. Les participants se sont convenus de décourager ce banditisme dans la quadrilogie Zénon Zambuman. Ces cas de vol dans les ménages du chef-lieu de la province de Bururi sont perpétrés pendant la nuit par des personnes non encore identifiées qui passent par les tunnels troués par elles-mêmes au niveau des murs. C'est les participants à cette réunion de sécurité de ce jeudi organisée par Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi. 5 ménages en moins de 2 semaines ont été déjà touchés par ces cas de vol, dont 2 de la localité de Gatohe, où différents objets comme les coussins, les téléphones portables, les habits et les ustensiles de cuisine ont été déjà volés. Selon les autorités des administratives, policières et militaires et bien d'autres de la province d'Obruli qui étaient dans cette réunion. Les auteurs de ces cas de vol sont bel et bien des malfaiteurs, surtout qu'ils osent même perpétrer ce banditisme dans les ménages de certaines autorités qui ont même des gardes. Certains de la population de la province d'Obruli vont jusqu'à penser qu'ils utiliseraient la magie pour commettre ces cas de forfait. Ces autorités provinciales se sont convenues alors de tout faire pour décourager ce banditisme et des gens qui seraient à la recherche des moyens financiers pour célébrer les fêtes de fin d'année. Multiplier les patrouilles nocturnes, travailler en synergie dans la quadrilogie, éveiller la vigilance de la population qui est appelée à organiser des rondes nocturnes et identifier les irréguliers sont parmi les stratégies qui ont été arrêtées pour démanteler ce groupe de voleurs. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. Reste dans cette province de Bururi où on rapporte encore d'un jeune homme découvert le matin de ce jeudi sur la sous-colline et colline Etawa en commune Mugamba. Les sources sur place rapportent qu'il était allé s'approvisionner en boisson dans l'après-midi de ce jeudi sur la même colline. Sa famille a attendu son retour, mais en vain. Au niveau de la police, on fait savoir qu'à côté de son corps se trouvaient deux casiers de Primus et les circonstances de sa mort ne sont pas jusqu'ici connues, mais les enquêtes sont déjà en cours. Sécurité toujours avec cette femme d'une cinquantaine d'années, sauvagement tuée par son mari dans la journée de ce mercredi, alors qu'ils s'étaient séparés depuis plus de 10 ans. Le forfait a eu lieu sur la colline Sousa de la zone Murungurira, en commune de Nhega. C'est dans la province Kirundo. L'auteur de cet acte a également blessé grièvement sa fille de 27 ans qui habitait avec sa mère. À l'origine, un conflit foncier, comme le précise l'administrateur de cette commune, Jean-Pierre Mbanzaugabo. Cet homme est actuellement dans les mains de la police. Les détails dans cette correspondance d'Abraham Safari. Cette femme qui a été sauvagement tuée est âgée de 50 ans, selon les informations émanant de la population de la Konesusa, zone Murungurira, commune Nhega, où s'est déroulée cette triste situation, est confirmée par l'administrateur de Nhega, Jean-Pierre Mbanzaugabo. Le couple s'était déjà séparé il y avait plus de 10 ans. La femme vivait avec ses deux enfants et son mari s'était déjà marié à une autre femme. Comme nos sources continuent à le dire, le tribunal avait partagé la propriété, une part pour cet homme et une autre pour sa femme qui est restée avec ses enfants. Ce mercredi vers 11h, selon les mêmes informations, leur fille de 27 ans qui vivait avec sa mère alors qu'elle a eu elle aussi deux enfants hors mariage, elle s'est rendue dans la propriété que le tribunal leur a accordée pour y chercher du régime de banane. Son père est venu tout de suite récupérer le régime de banane à la maison où vivent sa femme et ses enfants et il les a abattus par la machette en disant que ces bananes ne peuvent pas nourrir les enfants qui ne sont pas les siens, c'est-à-dire les petits-fils. Cette femme est morte sur place tandis que sa fille a été grièvement blessée. Le forfaiteur est pour le moment dans les mains de la police. L'administrateur de la commune de Nhega, Jean-Pierre Mbanzaugabo, signale que de tels cas ne se parlaient plus il y a à peu près une année. Il demande à la population de cette commune d'éviter de se faire justice s'il y a conflit entre l'un et l'autre. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et des échauffourées ont éclaté le matin de ce jeudi entre les habitants de la colline Kagwema en commune Gihanga de la province de Bubanza et les exploitants d'un terrain cédé par la justice à un certain Rivuzungami Christophe. Des champs de maïs ont été endommagés. Il aura fallu l'intervention des forces de l'ordre pour que ces deux parties quittent ce terrain. L'administrateur de la commune Gihanga insiste sur l'application de la décision prise par le ministre de la Justice ce lundi. Space Caritas Kabanyana. Les locataires de Rivuzungami Christophe s'étaient levés tôt ce jeudi matin pour labourer et semer le sorgho dans des champs de maïs qu'ils ont arrachés selon les habitants de Kagwema qui disent que ce terrain leur appartient. Et ces habitants de Kagwema sont descendus dans la même propriété dans l'intention de s'attaquer avec ces cultivateurs, n'eût été l'intervention rapide de la police. Celle-ci les a obligés tous de quitter ce terrain, mais avant de partir, les habitants de Kagwema ont ramassé des tas de jeunes plantures de maïs arrachées par l'autre partie selon la même source. Ces habitants de Kagwema disent que le terrain qui était en conflit entre Rivuzungami Christophe et Niganga Ezekera avait une superficie de 4 hectares et qu'il a été emporté par la rivière Rusizi par par des éboulements et c'est ainsi que Christophe s'est dirigé sur la propriété de ses habitants de Kagoema d'une superficie de 150 hectares selon les mêmes habitants de la colline Kagoema. Ce mardi, les représentants de ces populations de Kagoema ont passé toute la journée au ministère de la Justice demandant d'être rétablis dans leurs droits. Ils sont rentrés satisfaits par la mesure prise par le ministre de la Justice qui a ordonné aux autorités judiciaires de Mwanza de remettre cette propriété à ses populations, chose qui n'est pas encore faite. L'administrateur de la commune Gihanga demande que la mesure du ministre de la Justice soit mise en application afin d'en finir avec ce conflit qui n'a fait que trop durer. Léopold Ndaïsawa, administrateur de Gihanga, ajoute que ceux qui auraient endommagé les champs de maïs devraient être sanctionnés conformément à la loi. Spes Caritas Kavanyana, Kagoema, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, les sites d'exploitation des mines près des berges de la rivière Nyamagana sur la colline Rugeregere en commune Rugombo ne sont pas remis à l'état initial en temps réel, ce qui peut causer des accidents. Certains orpailleurs expliquent que la remise en état de ces terrains dépend des conventions entre le propriétaire du terrain et les coopératives exploitantes. Anissé Saïdi, chef du cabinet du gouverneur, appelle les autorités habilitées à faire le suivi régulier pour diminuer les risques d'accidents. Omer Nouayou. Près des berges de la rivière Nyamagana, à environ 500 mètres du barrage hydroagricole de la localité, l'on y aperçoit des grands tas de grosses pierres. C'est dans un site d'extraction des minéraux. Des huttes pour abri et pour la préparation de la nourriture y sont construites pour faciliter les orpailleurs dans leurs travaux. Arrivé à ce site, on est accueilli par des brioui, des motopompes en train de vider l'eau dans le site afin de permettre les orpailleurs d'exécuter leurs travaux sans difficulté. La remise en état des terrains exploités dépend des conventions entre le propriétaire et la coopérative l'exploitant, selon les dires de certains orpailleurs. Samson Ziragaba, responsable de la coopérative exécutant les travaux d'extraction des mines près de cette rivière, constituant la frontière entre la zone Rugombo sur la colline Rugeregere et la zone Buseruko de la commune Mugina, aborde la question dans le même sens. Désolation chez Saïdi Anissé, chef du cabinet du gouverneur de la province Cibitoke, qui s'inquiète de son comportement des orpailleurs. Il les rappelle que la remise en état des terres exploitées leur revient selon le code minier. Toutefois, Saïdi souhaite un suivi régulier de la part des autorités habilitées. Arrivé au stade de l'exploitation de l'or, qui se manifeste dans des communes de haute montagne, par exemple la commune de Mugina, Mabaï, Bukinayana, il y a une partie de Mugui, de ces accidents se remarquent. Parce que dans ce genre d'activité, la terre est vraiment dévastée suite à l'organisation de cette activité relative à l'exploitation de l'or. Mais une convention oblige à ces coopératives de faire la remise à l'État après l'exploitation de l'or. Dans la convention, c'est bien écrit. Mais sur le terrain, ça ne se fait pas. Nous sommes très inquiets, si je puisse dire, parce que d'abord, quand le site est terminé, avant de donner à notre site, il faut d'abord vérifier si le site déjà exploité a été remis à l'État. Les orpailleurs œuvrant au site d'extraction des mines, se localisant près de la rivière Muhira, font une distance de plus de 50 mètres sous terre à la recherche des mines, se munissant des lampes torches pour l'éclairage. Merci Omer Ndouayo. On reste dans cette province de Cibitoke, mais cette fois-ci sur un autre dossier. Une famille de 5 enfants, dont 3 avec handicap, vivent seuls, sans moyen de subsistance, sur la colline de Rusiga, en commune Rugombo. Ils ont été abandonnés par leurs parents à cause de cet état d'handicap. Ces enfants, ainsi que le voisinage, demandent une assistance pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Le chef de cabinet du gouverneur dans cette province indique que l'administration suit de près ce délaissement parental. Ornella Mucho les a rencontrés pour nos reportages. C'est l'un des enfants vivant avec handicap qui demande d'être intégré dans des orphelinats pour leur prise en charge. Arrivé dans leur maison, assis par terre sur une natte, c'est visiblement qu'ils vivent dans des conditions misérables. Ces 5 enfants, dont 3 vivant avec handicap, délaissés par leurs parents, habitent à la 9e avenue sur la colline Lusiga de la commune Lugombo, en province Chibitoke. Parmi ceux qui sont en situation d'handicap, il y a 2 filles âgées respectivement de 20 ans et 17 ans, un petit garçon âgé de 11 ans qui n'arrive même pas à s'asseoir. Tous sont suivis par le 4e enfant de la famille, âgé de 14 ans, qui s'appelle Niela Jamira, qui a fini par abandonner l'école après que ses parents sont partis il y a plus de 5 ans. Nous vivons dans le noir. Le propriétaire de cette maison a décidé de couper le courant parce qu'on ne paie pas. Et c'est compliqué pour nous. Par exemple, ce garçon ne peut pas s'asseoir suite à son handicap. Il a trop faim, regarde son ventre. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide ou nous intégrer dans des orphelines. Aline Nyonsab, la voisine de ses enfants, déplore la situation dans laquelle ses enfants vivent. Pour elle, ils ont besoin d'être assistés dans l'immédiat. C'est un mauvais comportement car on devrait plutôt se contenter de ce que Dieu nous a donné. Nous les voisins, nous avons essayé de les aider de peu qu'on avait. Mais maintenant, c'est très difficile. Nous sommes très limités financièrement. Il faut qu'ils soient assistés pour alléger les responsabilités de leurs sœurs. Le chef de cabinet du gouverneur en province Chibitoke, Saïdi Anissé, indique que cette province enregistre 416 cas de délaissement parental sur une période de 4 ans, dont la commune Lugombo vient à la première place, suivie par Buganda. À la question de ces enfants en situation d'handicap délaissés par leurs parents, l'administration suit de près cette question, ajoute-t-il. La commune a été saisie pour suivre de près la vie de ces enfants. En premier lieu, il faut d'abord que les enfants puissent manger pour être nourris. Mais l'administration est en train de demander ici et là pour qu'il y ait un centre qui puisse les accueillir. Je lance un appel très pressant à ces parents ou même à tous ces gens-là de savoir que tout enfant a droit à la vie. Qu'il soit un enfant avec handicap ou qu'il soit un enfant sans handicap, il a tous les droits et que tout le monde est interpellé à les respecter. À créer un climat qui font que ces enfants puissent vivre dans la liberté et avec tous les droits comme les autres. Selon le code pénal, cet acte de délaissement parental constitue une infraction contre l'enfant. Ornella Mucho, de retour de la province de Chibitoke. Une coupure d'eau potable dans certains quartiers des villes de Kayanza depuis déjà 5 jours s'observe. Les habitants de la ville de Kayanza craignent les maladies liées au manque d'hygiène. Au niveau de la régie des eaux à Kayanza, on explique que cette coupure a été causée par un tuyau endommagé et qu'une équipe de techniciens est à l'œuvre pour le réparer. Patrick Saint-Guillaume. La coupure d'eau potable se fait parler dans des quartiers de la ville de Kayanza, Tereke Wesero, Gati Wiraro, Wingwa, Mukoro et Kilema depuis samedi de la semaine passée. Les habitants de ces quartiers disent qu'ils trouvaient difficilement de l'eau à utiliser dans leur ménage. D'autres qui disent éprouver beaucoup de difficultés à trouver de l'eau à utiliser sont les malades alités à l'hôpital de Kayanza et leurs gardes malades. Des femmes contactées quand nous les avons rencontrées à cette structure de soins ont indiqué que non seulement il manque de l'eau pour faire la toilette, mais également de l'eau pour faire la vaisselle et la lessive aussi. Et les habitants de la ville de Kayanza, de même que ces malades et gardes malades à l'hôpital de Kayanza, tous demandent que le service de la régie des eaux chargée de la distribution de l'eau à Kayanza trouve solution au problème, craignant les maladies liées au manque d'hygiène. Contactés à ce propos les agents de la régie des eaux à Kayanza, ils nous ont fait savoir que le problème de la coupure de l'eau en ville de Kayanza a été causé par le tuyau qui conduit de l'eau à Djougué dans les étangs qui alimentent cette ville, qui a été endommagé depuis Kasselegui en commune Muruta. La régie des eaux à Kayanza tranquillisait pourtant qu'il y a une équipe de techniciens qui est à l'œuvre pour la réparation et que très prochainement la ville de Kayanza sera réalimentée en eau potable. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganilo. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana. Isanganiro.